Audiomatique. L'artiste britannique Alan Myson, avec son projet Italtech, lançait cette transmission 1-2-2 d'Audiomatic grâce à sa composition Redeemer, une composition qui se trouve sur son plus récent album Hollowed, paru en 2016. Vous écoutez l'émission Audiomatic animée par les électronistes. Jusqu'à 18h, nous vous présenterons des musiques à caractère électronique, comme Alien Sex Fiend, qui nous offre à entendre ici la pièce Big Blue Moon. Oh, Pour clore cette séquence musicale à Audiomatique, il s'agissait du groupe Ivoux, qui s'orthographie I-V-O-U-X, qui est en fait un projet parallèle des membres de la formation californienne Battery de Ivoux. Nous écoutions la chanson Snow Queen, inspirée du conte de l'auteur danois Andersen. Cette chanson est tirée du seul album de Ivoux intitulé Frozen, A Suite of Winter Songs. Et pour débuter, nous avions droit au groupe britannique Alien Sex Fiend, qui existe depuis 1982, de leur album Nocturnal Emissions, paru en 1997. Nous vous avons présenté la pièce Big Blue Moon. La transmission 1-2-2 d'Audiomatic se poursuit sur la musique dub obscure de Kilo La Kill. We'll be right back. Nous venons de terminer cette séquence sur la musique de l'artiste Christopher Stephen Clark, qui crée sous le pseudonyme Clark. De son album Totem's Flare, paru en 2009, nous écoutions la courte pièce Talis. Avant Clark, c'était Inogene, projet de l'artiste Lucian Ditulescu. De son plus récent album Cogito, nous entendions la pièce Kotor. Cet album est disponible en téléchargement sous la formule « Payez ce que vous voulez » sur le site de l'étiquette numérique Abstract Reflections. Et en début de séquence, c'était l'artiste Diego Garcia Esquivel qui, avec son projet Kilo La Kill, nous offrait sa composition « Juvia » de son album « Espiritus ». Audiomatique se poursuit maintenant avec le groupe anglais Laika. Thank you. clean, the cleanest I've been. An end to the tears and the in-between years and the troubles I've seen. À Audiomatic, vous avez sans doute reconnu le groupe Depeche Mode et la chanson « Clean » de leur excellent album « Violator ». D'ailleurs, Depeche Mode fera paraître sous peu leur 14e album qui s'intitulera « Spirit ». Et précédemment à Depeche Mode, il s'agissait de leur compatriote Laika et la chanson « Macassine » de leur 3e album « Good Looking Blues ». Nous terminerons cette séquence musicale avec le projet Winterricket, dont le nom peut se traduire par « Royaume de l'hiver ». Pièce de convenance, groupe de convenance pour la journée et la soirée. L'hiver est d'ailleurs le concept musical et visuel à la base de la démarche artistique de Christoph Ziegler, l'âme derrière Winterricket. Nous allons entendre la pièce-titre de l'album « Winterschatten », un disque sur lequel l'artiste exploite différents styles musicaux allant de l'ambient au black metal, toujours avec une perspective électronique. Les électronistes qui vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour la transmission 1-2-3 d'Audiomatic. Si les ondes FM ne sont pas pour vous, vous pouvez entendre toutes nos anciennes émissions en balado-diffusion en vous rendant sur notre profil facebook.com/audiomaticcfou et également mixcloud.com/audiomatic. Voici donc Winterricket et la pièce Winterschatten. Bonne écoute, bonne semaine et bonne continuation dans l'hiver.